pas besoin de toi et tes mots vides et tes modes. Aidez-le car son monde se vide. Pas besoin de parler pour qu'on voit. Pas besoin d'auditoire. Pas besoin de prouver. Pas besoin qu'on me dise qu'faut y croire. Pas besoin de mailler de pute. Besoin d'une femme. Mais mon monde est sombre et froid dans ce noir. Besoin d'une flamme. Pas besoin de shit pour être stoned. Sky pour être saoul. Pas besoin d'avoir un nom de taille pour être cool. J'ai froid comme l'hiver et noir comme la nuit. Mon monde est clos car où je vis me gaffe comme l'ennui. Pas besoin d'avoir peur le soir. Mes cauchemars sont mes craintes. J'prends en note. Pas besoin de boire pour oublier. Pas besoin de fuir devant le trouble, je l'évite. Quand je sens pas ce que je vois, je fais demi-tour et vite. Pas besoin de toi et tes crises. Pas besoin de toi et tes prises de tête. Pas besoin de toi et tes bises. Ce monde est sale et me salit. Pas besoin de lutter car je suis vaincu. Je peux te prier pour mon salut.